En Corée, battent leur plein les préparatifs du Festival aéronautique d'amitié internationale de Wonsan 2016, prévu en septembre prochain. Le comité préparatoire regroupant des spécialistes du dedans et du dehors du pays des secteurs aéronautiques, touristiques et de services vient d'être mis sur pied. Il a sélectionné des appareils militaires et d'excursion destinés à la démonstration de l'aéronautique et au tourisme. Les préparatifs d'activités sportives et culturelles vont bien aussi. Des professionnels et amateurs des sports aéronautiques connus de divers pays du monde ont exprimé leur intention de participer à ce festival qui se tient en Corée pour la première fois.